mon bonheur est loin de chez moi. Bizarrement j'attire les problèmes, putain je me dis c'est dû à quoi. Pourtant je reste dans mon coin limite en quarantaine. J'ai de la chance, un jour mes potes m'ont dit on est la quarantaine. À force de prendre des coups, j'ai fini par ramper. J'ai fini par rapper aussi, peut-être parce que je suis pas en paix. C'est vrai mes parents paient de jour en jour leur dette. Pour les aider je me prends la tête. Putain j'ai l'impression d'être bête. On m'a dit rabat joie, c'est sûr voir trop têtu. J'ai dit ravale ta joie, et écoute comment mon son te tue. Je fais des sons pour ma gueule, c'est déjà beaucoup. Je suis plus une proie pour ces gazelles qui veulent me mettre la corde au cou. Moi les emmerdes ça marche comme le vaudeville en France. Dur que je garde le sourire sans mon Volvic orange. Pour les petits faire le voyou est devenu un fantasme. Alors mes sons au milieu de tout ça c'est vrai fontage. J'ai entendu le chuchotement d'une larme, ouais. J'ai entendu mon cœur m'appeler à l'aide quand tout paraît calme. J'ai entendu crier des fausses paroles, une parole, une parole j'ai entendu. J'ai jamais perdu le contrôle. J'ai entendu le chuchotement d'une larme, j'ai ouais. entendu mon cœur m'appeler à l'aide quand tout paraît calme. J'ai entendu crier des fausses paroles, une parole, une parole j'ai entendu. J'ai jamais perdu le contrôle. J'ai entendu que le rap est mort car tous les MC dorment, que la vie était hors norme, que j'avais plus gardé la forme, que la chance allait venir, j'ai entendu. J'ai entendu. J'peux jurer que ça je l'ai attendu. J'ai entendu trop de conneries, de quoi écrire un bouquin. J'ai entendu que moi et les miens faisaient un peu trop de boucan. Et ouais mon pote, Marianne n'est pas ma zik. T'as entendu que mon rap est dingue, il finira à l'asile. Un jour mon frère m'a dit, t'inquiète tu seras heureux. Les meufs te prends pas la tête, ça va te niquer les neurones. J'espère que Dieu a entendu mes prières pour mes proches disparus qui ont fini au cimetière. Entendu ci, entendu ça, entendu trop de syllabes. Je suis tombé si bas que ma chambre a eu le sida. Le tout n'est pas d'entendre mais de bien écouter. Dérouté depuis que le diable a voulu m'épouser. J'ai entendu le chuchotement d'une larme, j'ai entendu mon cœur m'appeler à l'aide quand tout paraît calme. J'ai entendu crier des fausses paroles, une parole, une parole j'ai entendu. J'ai jamais perdu le contrôle. J'ai entendu le chuchotement d'une larme, j'ai entendu mon cœur m'appeler à l'aide quand tout paraît calme. J'ai entendu crier des fausses paroles, une parole, une parole j'ai entendu. J'ai jamais perdu le contrôle. J'ai entendu qu'on parlait sur moi mais j'ai pas calculé. J'ai voulu avancer mais on m'a dit tu n'as plus qu'à reculer. J'ai rigolé en écoutant les merdes que faisait Laurie. Que Monsieur Propre était un skin, Cendrillon une fée du logis. Pinocchio vendait du shit pour plus faire le pantin. Comme je l'ai pas gagné mais rien à foutre si j'en perds mon latin. J'ai entendu que futurs proches ils croyaient talentueux. Mais moi je crois qu'ils ont la dalle et veulent remplir leur ventre creux. Dans ma tête c'est comme Color, je suis managé par ma colère. J'ai le cœur ouvert mais y'a un putain de courant d'air. Pas souvent pisse car mon amour a fait faux bond. Un côté pessimiste et je fais la gueule sur mes photos. Entendu trop de pipo et vu trop de people. Entendu des gens cool et ma conscience sous alcool. J'mets le cap vert, Haïti pas le cap vert. J'ai entendu tellement de calvaire. J'ai entendu le chuchotement d'une larme, j'ai entendu mon cœur m'appeler à l'aide quand tout paraît calme. J'ai entendu crier des fausses paroles, une parole, une parole j'ai entendu. J'ai jamais perdu le contrôle. J'ai entendu le chuchotement d'une larme, j'ai entendu mon cœur m'appeler à l'aide quand tout paraît calme. J'ai entendu crier des fausses paroles, une parole, une parole j'ai entendu. J'ai jamais perdu le contrôle.